بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tout d'abord les frères, je voulais juste vous rappeler, donc pour ceux qui veulent encore des manuels, il en reste, donc ceux qui veulent les manuels pour noter les diverses leçons du cours, Inch'Allah ta'ala. فنستمر في قراءة هذه المنظومة والتعليق عليه عليها. Nous allons continuer la lecture donc de ce poème et les commentaires liés à celui-ci. Nous sommes arrivés donc à la parole de l'auteur lorsqu'il dit rahimahullah ta'ala wa uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni minhu riyan anhalu arju bi anni minhu riyan anhalu, et j'affirme la balance, nous en avons parlé auparavant, la balance est le bassin dont j'espère y boire, ou dont j'espère m'y abreuver. فالإيمان بالحوض أيضا من أصول أهل السنة والجماعة. La croyance au bassin fait aussi partie des fondements des gens de la Sunna et du groupe. يقول الإمام أحمد في أصول السنة. L'imam Ahmed, il dit dans son épître أصول السنة, les fondements de la Sunna. Il dit والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Et donc il dit rahimahullah, et la croyance quant au bassin et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin au jour de la résurrection, d'où les gens de sa communauté parviendront. La largeur de celui-ci est comme sa longueur. Une distance d'un mois de voyage. Une distance d'un mois. Aniyatuhu, ses récipients sont du nombre des étoiles dans le ciel. Wa'ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghayri wajh. Et ensuite, il finit en disant l'imam Ahmed, selon les textes authentiques avec plusieurs versions. Avec plusieurs versions. Ici, l'imam Ahmed, il fait allusion aux preuves. C'est-à-dire que ce qu'il a cité concernant le bassin, il ne l'a pas pris de nulle part. Ici, il montre qu'il l'a pris quelque part. Il l'a pris dans les textes de la législation, les textes authentiques. Min ghayri wajh. Ici, il fait allusion, l'imam Ahmed, au fait que les textes, les ahadiths liés au bassin ont été rapportés avec tellement de chaînes de transmission, tellement de narrations, que il est inacceptable de dire que ces ahadiths sont faibles. Inacceptable de dire que ces ahadiths sont faibles. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, bi'idnillah, lorsqu'on va étudier ce qu'on appelle al-ahadithu al-mutawatira. Les ahadiths mutawatira, donc qui sont rapportés avec un très grand nombre de chaînes de transmission, ou avec un très grand nombre de rapporteurs, qui fait que ces textes ne sont pas rejetables. فيجب الإيمان بالحوض بأوصافه التي نعرفها. Et donc il est obligatoire d'avoir la foi au bassin, d'avoir la foi, de croire au bassin avec les caractéristiques que nous connaissons de celui-ci. أخرج البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. Al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil son nom, Uqba ibn Amir, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et certes, par Allah, je regarde actuellement mon bassin. Je regarde actuellement mon bassin. Les savants, ils ont dit وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَوْضُ مَخْلُوقٌ الْآنَ. Et cela montre que le bassin, il est créé actuellement, il existe. Il existe le bassin. Ibn Hajar, il dit فَكُشِفَ لَهُ. C'est-à-dire que le bassin lui a été montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela fait partie de, donc, des miracles qui sont liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, wa akhraja al-imam al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqol ليردن علي أقوام حتى إذا أهويت لأناولهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فأقول أين إلى أين فيقول إلى النار والله فأقول إنهم من أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. البخاري ومسلم cité selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certes des gens parviendront jusqu'à moi. Ce qui est voulu par là au jour du jugement, au jour de la résurrection. Ils parviendront jusqu'à moi. Et je vais me baisser pour voir les servir, donc de ce bassin. Et c'est alors que quelqu'un, Rajoul, un homme, va s'interposer entre moi et eux. Et il dira, Halum, allons-y. Il dira, allons-y. Alors moi je dirais, où ? Il dira, dans le feu par Allah. Alors je dirais, mais ces gens-là font partie de mes compagnons. Innahum min ashabi, ils font partie de mes compagnons. Alors il dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Wa hadha al-hadith ya ikhwa. Fihi tahdhir min jami' al-bid'ah. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre toutes les innovations. Le danger de l'innovation. Cet innovateur, هذا الرجل الذي يظن أن فعله يقربه إلى الله. Cet homme qui pense que son acte le rapproche d'Allah, sans avoir pris en considération le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فانظروا إلى هذه الحال. Regardez donc cette situation terrible. À ce moment, le jour de la résurrection. وتمسكت الرافضة لهذا الحديث. Les rawafid, ils se sont approchés à pleines dents à ce hadith. Les rawafid. Pourquoi? Ashabi. Innahum min ashabi. Ils font partie de mes compagnons. Les rawafid, ils se sont accrochés sur ce hadith. Li ikfar al-sahaba. Pour taxer les compagnons de mécréants. Ils ont dit, regardez. Ici, on voit clairement que les compagnons, ben, ils vont en enfer. فَكَفَّرُوا الصَّحَابَ وَأَعْرَضُوا عَنِ النُّصُوصِ الْأُخْرَى. Ils ont donc taxé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mécréants et ils ont délaissé tous les autres textes. Tous les textes qu'on a vus durant les cours au début de ce même épître, au début de ce même de ce poème, on a vu énormément de textes qui montrent les mérites des compagnons. Et donc, quand il fait des textes, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il fait l'éloge des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous appelle à les suivre, وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, ceux qui ont suivi les compagnons de la meilleure des façons, Allah les a agréés, et ils l'ont agréé. Allah tabaraka wa ta'ala qui parle des compagnons et qui dit wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Et Allah a promis à chacun d'entre eux al-husna, la meilleure des récompenses, le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit khayrun nasi qarni, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, sont ceux de mon époque. La génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons. Le prophète qui dit la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Ils ont délaissé tous ces textes et se sont approchés à ça. Ibn Hajar, il aborde ce sujet dans Fath al-Bari. وَيَذْكُرْ أَنَّهُ جَاءَتْ رِوَايَاتٍ تَذْكُرُ قِلَّةَ عَدَدْ هَؤُلَاءِ. Il y a certaines narrations, Ibn Hajar il dit donc qu'il y a certaines narrations qui montrent le nombre, le petit nombre de ces gens-là qui seront donc éloignés du bassin. Cette narration donc dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Usayhabi, Usayhabi, mes compagnons » il dit cela montre un petit nombre, premièrement. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ce texte pour parler de tous les compagnons du prophète. Ça, c'est premièrement. Et il dit, deuxièmement, tous les autres textes, ainsi que l'unanimité des savants, montrent que les al-murad huna hum ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Innama al-murad huna alladhina ittaba'uhu fi millatihi. Fa kullu man kana musliman. وَأَحْدَثَ فِي دِينِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَقَعَ فِي هَذَا. Et donc toute personne qui est musulman et qui a innové dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a peur le concernant qu'il tombe dans ce texte, qu'il soit concerné par ce texte. وَكَذَلِكَ الْأُمَّةِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ مُبْتَدِيًا. Les gens de la sunna sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas d'innovateur parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal qui nous ordonne de les suivre. Il y a parmi eux des innovateurs. Et donc il est important, les frères, de rassembler les textes. Tu ne peux pas prendre un texte et t'accrocher à celui-ci. Il faut rassembler les textes si tu veux les comprendre correctement. Ibn Adelbar, dans son livre « Al-Tamhid », il dit « Kullu man ahdatha fi d-din, mais la yardahu Allahu wa lam ya'zan bihi Allah, fa huwa min al-matrudin an il-hawd, wal-mub'adin anh, wallahu a'lam. » Il dit « Tous ceux qui ont innové dans la religion, ce qu'Allah n'agré pas, et ce qu'Allah n'autorise pas, alors ils font partie de ceux qui sont rejetés, qui sont éloignés du bassin. Et Allah est plus savant. Et ensuite, il continue, rahimahullahu ta'ala, en disant, « Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'at al-muslimin, wa faraka sabilahum mithl al-khawarij ala akhtilafi firakihim. » Et il dit, « Et ceux qui sont rejetés de la façon la plus grave, il dit, ce sont donc ceux qui ont dévié et contredit la voie des musulmans. Ceux qui se sont opposés à la voie des musulmans et qui ont dévié de celle-ci parmi les khawarij. Parmi les khawarij, selon avec tous leurs groupes. Tous les groupes des khawarij. Les khawarij, ce n'est pas qu'un seul groupe. Tous les groupes des khawarij. On le voit à notre époque. Daesh, Al-Qaïda, Nusra, Ish, Ikhwan, tous les groupes des Khawarij, il te dit. Tous. Et ensuite, il continue en disant, Rahimahullah, Wal-Rawafid ala tabayuni dalalihim. Ainsi que les Rawafid avec la profondeur de leur égarement. Leurs égarements profonds. On a déjà vu les égarements des Rawafid. Le fait de taxer les compagnons de mécréance, etc. De critiquer Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il dit, « Wal-mu'tazila ala asnafi ahwa'ihim » ainsi que les mu'tazila, comme on voit qui arrivent en France aussi à notre époque. Et donc, al-mu'tazila, avec leurs différents égarements et penchants. Il dit, « Faha'ula'i kulluhum yubaddiloun » il dit, tous ces gens-là, ils innovent, ils changent. Tous ces gens-là, ils innovent, ils changent. Et ensuite, il continue. Il n'a pas fini. Il continue. Attention. Wa kadhalika adh-dhalamatu al-musrifun fil-jawri wadh-dhulm wa tatmis al-haqq. Ainsi que tous ceux qui exagèrent dans l'injustice, tous ceux qui exagèrent dans l'injustice et dans le fait de chercher à faire disparaître la vérité, et ceux qui vont donc chercher à faire disparaître la vérité et tuer les adeptes de la vérité et les humilier. Il continue. Il dit وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائِرِ أَلْمُسْتَخِفُونَ بِالْمَعَاصِ. Ceux qui font les péchés en public. Ceux qui font les péchés en public et qui vont minimiser les péchés. Ceux qui font les grands péchés, excusez-moi, en public et qui vont minimiser les péchés. Il y a certains, franchement, j'aimerais bien qu'ils écoutent ce genre de paroles. Lorsqu'ils voient leur propre chair taxer un musulman de fornicateur dans une mosquée et ensuite propager le cours sur toute la terre et que tous y minimisent le péché. Le cheikh, il a fait une erreur. Des grands péchés. Méditez sur la parole d'Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Ceux qui font les grands péchés en public et qui vont minimiser les péchés. Il continue après en disant et tous les gens de l'égarement, de la passion et de l'innovation, tous ces gens, nous avons peur les concernant qu'ils soient voulus par ce texte. Nous avons peur les concernant qu'ils soient voulus par ce texte. فالرجل الصادق الذي يحب شيخه ينصحه يا شيخ توب الى الله. Celui qui est véridique, qui aime son cheikh réellement, il le conseille à cheikh, crée Allah, repens-toi de ce grand péché. Toute personne qui connaît des gens qui sont dans ce genre de choses, innovation, grand péché en public ou autre, conseille ton frère. Tu ne veux pas qu'il lui arrive ce genre de choses, يوم القيامة, conseille-le. Car tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ensuite, il continue, il finit en disant وَلَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ إِلَّا كَافِرٌ جَاهِدٌ. Et ne restera éternellement en enfer que le mécréant qui rejette l'islam. لَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. Il n'y a pas dans son cœur, donc que ce soit le poids d'un grain de moutarde de foi. Fin de citation. بعض المعتزلة قالوا إن الحوض في النصوص عبارة عن رضا الله وهذا التأويل مخالف لما ثبت في النصوص من أوصاف الحوض. Parmi ceux qui ont rejeté le bassin, il y a المعتزلة, qu'on a déjà cité beaucoup de fois dans ce texte, dans ce poème. Ils ont rejeté le Haoud et ils ont dit que tous les textes qui vont citer le Haoud, ce qui est voulu par le Haoud, ils disent c'est une expression montrant l'agrément d'Allah. C'est pour cela qu'on entend parfois certains qui disent on ne rejette pas, on ne rejette pas, on ne rejette pas. J'ai entendu c'est un francophone, on ne rejette pas, mais attendez, dire qu'on rejette, on rejette des attributs d'Allah, on rejette ce que Allah a cité dans le Coran. Mais non, on ne rejette pas. C'est juste que c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Et donc au final, on rejette. Et donc ils te disent, il n'y a pas de bassin en réalité. Mais ce qui est voulu par là, c'est l'agrément d'Allah. Et là, cette interprétation est totalement contradictoire avec les caractéristiques du bassin qui ont été rapportées. Ses caractéristiques, qui est encore plus blanc que le miel, qui est encore plus blanc que le lait, plus doux que le miel, etc., etc. Et donc, nous appelons toute personne qui rejette ce que Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé dans le Coran ou dans la Sunna, de revenir à la réalité, de revenir à la vérité, de revenir à la croyance de Ahl Sunna. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il continue en disant وَكَذَا الصِّرَاطُ يُمَدُّ فَوْقَ جَهَنَّمٍ فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخَرُ مُهْمَلُ. Et de la même façon, le pont sera étendu au-dessus de l'enfer, Jahannam. Alors, un sera sain et sauf, et l'autre sera délaissé. Et l'autre sera délaissé. Donc certains seront sains et saufs, et l'autre et les autres délaissés. فَالصِّرَاطُ هُوَ جِسْرٌ يُمْصَبُ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ وَمِنْ أَوْصَافِهِ أَنَّهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ. Et donc ce qu'on appelle as-sirat, c'est un pont qui sera posé au-dessus de l'enfer. Au-dessus de l'enfer. Parmi les caractéristiques de ce pont, le fait qu'il soit plus fin qu'un cheveu. Un pont plus fin qu'un cheveu. Plus aiguisé qu'une épée. Plus aiguisé qu'une épée. Et tout le monde va passer sur ce pont. Tout le monde va passer sur ce pont. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw » Il n'y a aucun d'entre vous qui n'y passera pas. Aucun d'entre vous qui n'y passera pas. Cela est pour ton Seigneur un passage irrévocable. Ensuite, nous sauverons ceux qui étaient pieux. Al-Muttaqun, ceux qui avaient la taqwa, qui obéissaient aux ordres et délaissaient les interdits. Nous sauverons ceux qui étaient pieux. Et nous laisserons les injustes dans le feu à genoux. Nous laisserons les injustes dans le feu, à genoux. Fussira al-wurud huna fi hadhihi al-aya bil-mururi ala sirat. Le passage qui a été cité dans ce verset a été expliqué par les savants du tafsir par le passage sur as-sirat, sur le pont. Wa an-nasu fi mururihim ala sirat mutafawitun. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ. Et les gens, lorsqu'ils passent sur le pont, ils se distinguent les uns les autres. Certains passeront comme l'éclair. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْرِيحِ. Certains passeront comme le vent. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْطَيْرِ. Certains passeront comme l'oiseau. وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُورَ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ كما في صحيح مسلم فقال تجري بهم أعمالهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué le passage des gens sur le pont. Et il a dit, comme dans le recueil de Muslim, il a dit تجري بهم أعمالهم. Leurs œuvres avanceront avec eux. فعملك في الدنيا Tes œuvres que tu vas accomplir ici-bas, ce sont elles qui vont avancer avec toi là-bas. Ce sont elles qui vont avancer avec toi là-bas. L'individu, lorsqu'il apprend cela, cela le pousse à accomplir de bonnes œuvres. Kemekol el ulema. مرورك على الصراط يوم القيامة على حسب مرورك على الصراط في الدنيا. Ton passage sur As-Sirat, le pont, le jour de la résurrection, dépend de ton passage sur le Sirat ici-bas. C'est quoi Sirat ici-bas? La voie droite. As-Sirat al-Mustaqim, la voie droite. As-Sirat al-Mustaqim. C'est quoi Sirat al-Mustaqim? On avait dit quoi? La conclusion dans Tafsir al-Fatiha, il y a... Al-Fatiha, je pense que c'était il y a 2 ans. Hein? L'été dernier. L'été? Pas l'été, l'été d'avant. L'été d'avant? Non. Donc, As-Sirat. Ah, c'est trop loin, là. On avait dit Siratul Ilmi wal Amalibi. La voie de la science et du fait d'œuvrer avec celle-ci. C'est ça Siratul Mustaqim. Qui est contraire à la voie des juifs et des chrétiens. El Ilm wal Amalibi. Avec El Ilm, déjà, c'est contraire à la voie des chrétiens. Wal Amalibi, avec la science qui a avec lui, excusez-moi, les œuvres qui vont avec la science, tu es contraire à la voie des juifs. Ghayril mardoubi alayhim wala dallin. Contrairement à ceux qui ont couru ta colère et les égarés. Siratul mustaqim, la voie de la science et des œuvres. Et donc ton passage sur ce pont, certains savants disent ton passage sur ce pont dépend de ton passage sur le pont ici-bas. Fahris. Alors efforce-toi ici-bas pendant que tu es encore vivant pour apprendre ta religion, pour apprendre le Coran, que signifient les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et œuvrer avec. Wa hakadha takunu min al-musallimin, de ceux qui seront sauvés ce jour-là. Ensuite, un point important. Min awsafi as-sirat comme جاء في صحيح مسلم ايضا ان على حافتي سرات كلاليب معلقه ماموره باخذ من امرت به. Il y aura sur les deux extrémités du pont, comme cela a été rapporté dans le recueil de l'imam muslim, sur les deux extrémités du pont, des kalalib. C'est quoi kalalib? Hein? Non. Des crochets. Des crochets aux deux extrémités, donc, du pont. Qui vont, donc, attraper ceux dont elles ont été ordonnées d'attraper. Femakhdouchoun nejin. Il y aura donc des gens qui seront écorchés, mais sauvés. Ils passeront écorchés par donc ces crochets, mais ils réussiront à passer. Et aussi il y aura Mawamakdousun Finnar, ceux qui seront jetés et empilés dans l'enfer. Ceux qui seront jetés et empilés dans l'enfer. Nas'alullah salama wal afiya. Et les prophètes, ce jour-là, il a été rapporté dans le recueil de l'imam Ahmed, wa sahahahu al-Albani, rahimahullah, que les prophètes, que ce jour-là, wa hadha al-yawm la yatakallamu illa al-anbiya. Ce jour-là, il n'y aura que les prophètes qui parleront. Il n'y aura que les prophètes qui parleront. Et ils diront quoi? Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Oh Allah, préserve-nous. Subhanallah. فيجب علينا أيها الإخوة أن نستعد من الآن. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour ce jour, pour cette étape inévitable. Inévitable. Allah l'a annoncé dans le Coran. Irrévocable. Tu ne vas pas y échapper. Alors prépare-toi dès maintenant. Dès maintenant. Tu sors de la mosquée, tu t'efforces d'accomplir de bonnes actions. Avec tes parents, avec ta famille, avec tes collègues au travail, avec tout le monde. Efforce-toi de faire du khayr et ne méprise aucune action. Ne méprise rien. Même les péchés, ne les méprise pas. Combien de personnes méprisent les péchés? Petits et grands. Ne méprise pas les péchés. Car ce jour-là, il sera trop tard. Il sera trop tard pour dire, ah, si seulement. Si seulement j'avais accompli des actes pour pouvoir passer sur le pont comme l'éclair. قال الإمام أحمد رحمه الله ونؤمن بالحوض أو ونؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب لا ندفع ذلك ولا نرتاب. L'imam Ahmed رحمه الله, il dit, nous croyons au pont ainsi qu'à la balance, au paradis et à l'enfer et au jugement. Nous ne rejetons cela, nous ne rejetons pas cela et nous n'avons pas de doute. وذكرت لكم أن مرور الإنسان على هذا الصراط يكون على حسب مروره على الصراط في الدنيا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق. Et donc, comme j'ai cité, le passage des gens sur ce pont au jour de la résurrection dépendra de leur passage ici-bas sur la voie droite, Sirat al-Mustaqim. Nous demandons donc à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et de nous couvrir de sa miséricorde. Car ton passage sur ce pont dépend de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui, dans tous les cas, qui te permet de réussir. Ici-bas et dans l'au-delà. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, la semaine prochaine, le dernier cours, bi'idhnillah, dans l'explication du poème. Et ensuite, il va falloir choisir un autre livre.